La flamme de la cheminée, molle et rougeâtre pendant le jour, devenait vive, claire, crépitante. Elle jetait de grandes lueurs subites sur les tapisseries ternies des fauteuils, sur le renard et la cigogne, sur le héron mélancolique, sur la cigale et la fourmi. Le baron se rapprocha, souriant, étendant ses doigts ouverts au tison vif. « Ah ah ! Ça flambe bien ce soir. Il gèle, mes enfants, il gèle. » Puis il posa sa main sur l'épaule de Jeanne et montrant le feu. « Vois-tu, fillette, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Le foyer avec les siens autour. Rien ne vaut ça. Mais si on allait se coucher, vous deviez être exténués, les enfants. » Remontée en sa chambre, la jeune femme se demandait comment deux retours au même lieu qu'elle croyait aimer pouvaient être si différents. Pourquoi se sentait-elle comme meurtrie? Pourquoi cette maison, ce pays cher, tout ce qui jusque-là faisait frémir son cœur, lui semblait-il aujourd'hui si navrant? Mais son œil, soudain, tomba sur sa pendule. La petite abeille voltigeait toujours, de gauche à droite et de droite à gauche, du même mouvement rapide et continu, au-dessus des fleurs de vermeil. Alors, brusquement, Jeanne fut traversée par un élan d'affection, remuée jusqu'aux larmes devant cette petite mécanique qui semblait vivante, qui lui chantait l'air et palpitait comme une poitrine. Certes, elle n'avait pas été aussi émue en embrassant père et mère. Le cœur a des mystères qu'aucun raisonnement ne pénètre. Pour la première fois depuis son mariage, elle était seule en son lit. Julien, sous prétexte de fatigue, ayant pris une autre chambre. Il était convenu d'ailleurs que chacun aurait la sienne. Elle fut longtemps à s'endormir, étonnée de ne plus sentir un corps contre le sien, déshabituée du sommeil solitaire et troublée par le vent hargneux du nord qui s'acharnait contre le toit.